Perception de l'énergie vitale, deuxième exercice, la vision. Assis en face de son partenaire, les pieds ne se touchant pas, les mains non plus, bien relaxés, on reprend la position du premier exercice. La paume de la main droite en avant, tout près de la paume de la main droite de notre partenaire. On ne se touche pas. Lentement, lorsqu'on va commencer à percevoir les effets de l'échange d'énergie vitale, on va tourner sa main, notre partenaire fait la même chose, de façon à ce qu'elle devienne perpendiculaire à notre visage, c'est-à-dire le pouce vers nous et notre petit doigt vers le visage de notre partenaire. De ce fait, on va être capable de regarder dans l'espace qui existe entre les deux mains. Pour bien réussir l'exercice, il faut faire attention à l'accommodation que fera l'œil pour vous permettre de voir clairement. Le focus oculaire doit être ajusté sur votre pouce, c'est-à-dire que vous regardez votre pouce et lorsque vous le voyez clairement, votre focus est bien ajusté. Maintenant, toute la problématique réside dans le fait que lorsque vous allez lentement bouger vos yeux pour regarder entre les deux mains, vous ne devez pas, l'œil ne doit pas ajuster son focus pour vous permettre de voir clairement le visage de votre partenaire. C'est exactement comme lorsqu'on est dans une automobile. Si on veut voir le pare-brise, on doit ajuster nos yeux pour voir le pare-brise. Et nécessairement, on ne peut plus voir ce qu'il y a à l'extérieur. Et si on ajuste le focus oculaire pour voir à l'extérieur, on ne voit plus le pare-brise. L'énergie vitale, dans cet exemple, c'est comme le pare-brise. On doit donc ajuster notre focus sur le pouce. Lentement, on tasse nos yeux pour regarder entre les deux mains, mais on garde le focus ajusté comme si on regardait le pouce. Progressivement, vous allez voir une forme de petit halo, un halo lumineux qui entoure les deux mains. Ça peut ressembler à une fumée bleu pâle ou gris-bleu, peut-être un petit peu jaunâtre, dépendamment des mains, dépendamment des énergies vitales des individus. Alors, on porte attention et on essaie d'observer, en regardant le contour de la main, ce petit halo, cette faible lumière grisâtre. Si on ne parvient pas à la voir, on recommence, c'est-à-dire qu'on replace nos yeux sur le pouce. Et lentement, on commence à regarder entre les deux paumes et à faire le tour des deux mains avec les yeux. On ne doit pas regarder, si l'on veut voir l'énergie vitale, on ne doit pas regarder directement la main. Notre focus oculaire doit être fait légèrement en avant de la main ou bien regarder sur le côté de votre main ou de celle de votre partenaire. Et vous allez lentement voir apparaître cette forme de halo. Cette lumière, l'aura vitale, c'est une aura d'énergie vitale, cette lumière n'est pas puissante. Donc, on doit être attentif pour bien la repérer. Normalement, lorsque l'on parvient à la voir, il est facile par la suite de la revoir. Quand vous saisissez bien le petit halo lumineux, vous pouvez lentement éloigner vos mains tout en regardant ce qu'il y a entre les deux mains. Certaines personnes vont voir des choses particulières que je ne vous décris pas, je vous laisse les observer. D'autres ne verront peut-être pas grand-chose. Tout est une question d'affinité et cela se développe par la pratique. On s'entraîne à observer l'énergie vitale pendant les 2 minutes qui suivent. Pour les personnes qui travaillent seules, vous devez simplement étendre le bras en avant de vous, les doigts légèrement écartés. Placez votre focus sur l'un des doigts et lentement le tasser. Bougez vos yeux entre deux doigts sans ajuster le focus oculaire et vous devriez pouvoir voir le halo d'énergie vitale qui entoure votre main. On s'entraîne aussi à cette perception. Il ne faut pas oublier de cligner des yeux de temps en temps, sinon ceux-ci vont s'assécher, ce qui va rendre l'exercice plus pénible. On doit pratiquer la vision vitale le plus souvent possible. Plus on apprendra à voir l'énergie vitale, plus facilement elle deviendra contrôlable. Maintenant, vous pouvez pratiquer la vision vitale en regardant autour de la tête de votre partenaire. Si vous travaillez en solo, se regarder dans un miroir n'est pas très efficace. On doit plutôt regarder autour des gens, dans la rue, dans un centre d'achat, au travail. On peut regarder autour de chaque objet, car chaque objet émet une aura vitale. Prenez le temps de la regarder. Progressivement, un nouveau monde va s'ouvrir à vous.